Que le Seigneur change ta vie par sa parole. Que le Seigneur te donne la sagesse de sa parole. Seigneur, merci ce matin. Nous nous présentons ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes prêts pour recevoir cette parole que tu as préparée pour nous, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Seigneur, brise ce qui doit être brisé dans nos vies par ta parole. Et Seigneur, bâtis ce qui doit être bâti dans nos vies par ta parole, au nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, sauve ce qui doit être sauvé ce matin. Délivre ce qui doit être délivré ce matin. Par ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, je me soumets à toi. Je te demande d'avoir pitié de moi ce matin et de m'utiliser pour bénir ton peuple. Seigneur, merci, au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Amen. Acclamez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Wow, je suis content ce matin. Alléluia. Hier, on était à quelque part pour le baptême. Alléluia. Qui sont ceux qui étaient là pour le baptême? Alléluia. C'était un temps merveilleux. Alléluia. Le Saint-Esprit était là, alléluia. Et je pense que ceux qui sont baptisés ne seront plus les mêmes. Alléluia. Et donc, je pense que dans les semaines qui suivent, on va commencer à faire le baptême à Kodesh. Alléluia. Comme on faisait avant, alléluia. Amen. Hier, on a baptisé, je pense, ce sont deux personnes de la belle église de Kodesh, d'ici et puis de Dakouman. Alléluia. Et donc, c'est un moment. Après le salut, c'est le baptême. Alléluia. Le baptême ne vient pas avant le salut. Ou bien le baptême, ce n'est pas le salut. Parce qu'il y a des gens qui se précipitent pour se baptiser, alors qu'ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu es en train de mettre de la, comment on dit, crème. Crème, c'est quoi? Crème. Quoi? Crème. Tu es en train de mettre la crème sur le corps qui n'est pas lavé. Tu ne t'es pas lavé, mais tu es en train de mettre un peu. Alléluia. Donc, le baptême, ce n'est pas le salut. Mais le baptême vient après le salut. Alléluia. La Bible dit que ceux qui croient seront baptisés. Ceux qui croient, tu crois. C'est la foi, la croyance. Tu crois dans ton cœur. La Bible dit que tu crois dans ton cœur. Et tu confesses le Seigneur, tu es sauvé. Donc après ça, c'est le baptême. Alléluia. Et le baptême, c'est l'immersion. On te met dans l'eau, tout le corps. Alléluia. C'est comme tu es mort avec le Seigneur, avec tous tes péchés. Tu es ressuscité avec le Seigneur, avec une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, nous allons continuer. Alléluia. Sur nos leçons, les leçons qu'on a apprises de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Alléluia. Il y a de bonnes leçons. Alléluia. De bonnes leçons qu'on va apprendre. Et ça va nous aider comme des chrétiens. Alléluia. Et donc, je vais lire l'histoire là, avant de continuer. Pour que lorsque, si tu ne connais pas l'histoire, au moins tu as une idée. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? OK. Luc chapitre 16, verset 19. OK. L'homme de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il y avait un homme riche, Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts. Alléluia! Dis à ton voisin, le séjour des morts. On va passer un temps dans le séjour des morts. Forgive. Alléluia. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Wow! Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le doux de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Alléluia! Amen! De cette flamme, dans le séjour des morts, après la mort, il y a un endroit où il y a les flammes. Alléluia. Et Père Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Et maintenant, il est consolé. Wow. Est-ce que vous voyez les deux endroits? L'endroit où Lazare est, il est consolé. Mais l'endroit où le riche est, il y a la flamme. Wow! Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas des histoires, comment on dit, on les appelle comment? Les quoi? Quoi? Contes de quoi? De fées. Ah, ok. Je ne savais pas. Ok. C'est comme ce n'est pas des histoires qui ne sont pas vraies. Ce sont des vraies histoires. C'est quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Yeah. Il est consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alléluia. Est-ce que tu peux penser à tes frères? Tu as des frères? Tu as des frères qui ne vont pas à l'église? Tu as des frères qui ne sont pas sauvés? Yeah. Yeah. J'ai 5 frères. C'est pour leur attester, ou bien leur attester, pour qu'ils attestent à ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Wow. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Wow. Wow. De ces jours-ci, Abraham dirait, ils ont les pasteurs. Ils ont les chrétiens qui évangélisent. Alléluia. Ils ont les frères qui parlent de la bonne nouvelle. Alléluia. Qu'ils les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répentiront. Si quelqu'un se ressuscite des morts, ils vont se répentir. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus, lorsque Jésus était là, je dis, si Jésus était là, c'est de nos jours là, beaucoup d'entre nous, on ne va pas croire. Beaucoup d'entre nous. Hein? Parce qu'on on a l'habitude de blâmer les Israélites, les Juifs, qui n'ont pas cru, qui ne croient même aujourd'hui. Il y a certains qui ne croient même pas en Jésus. Yeah. Et si c'est aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne va pas croire. Dis quelqu'un se ressuscite maintenant. Tu vas voir les journalistes. On dit que ce n'est pas vrai. Est-ce que vraiment il était mort? Hein? Est-ce qu'il était mort? Est-ce que c'est vrai? On dit que ce n'est pas vrai. Alléluia. Et donc, écoutez ce que Abraham a dit. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Yeah, c'est ça. Alléluia. Donc, Dieu a décidé que par la prédication des chrétiens mortels, des chrétiens imparfaits, des pasteurs qui sont des hommes qui font des erreurs. Alléluia. Par la prédication, par ces personnes, l'homme soit sauvé. Yeah. Yeah. Par les hommes, ces hommes qui sont comme vous, qui font des erreurs comme vous. Alléluia. Qui sont mortels comme vous, prêchent la parole pour le salut du monde. Pas les gens qui se ressuscitent des morts qui vont venir prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Pas les anges qui vont venir nous dire de prêcher la parole de Dieu. Non. les hommes comme nous, les hommes comme toi et moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et donc, on a pris beaucoup de choses et la semaine passée, j'ai commencé à parler de est-ce que tu crois qu'il y a un endroit où tu seras consolé lorsque tu parles de ce monde? Est-ce que tu crois qu'il y a un endroit qui existe? Est-ce que tu crois qu'il y a un endroit où il y a de la flamme? Hein? Je suis triste de vous dire que ces jours-ci, beaucoup de pasteurs, alléluia, on ne parle pas beaucoup de l'enfer et du ciel. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Lorsqu'on vient à l'église, c'est comme on est dans une banque. C'est comme on est en école, à l'école de gestion des finances, de gestion des richesses, de gestion de l'or et de l'argent. Yeah. On ne parle pas beaucoup de l'enfer et du ciel. Alléluia. Mais l'église n'est pas là. L'église n'est pas une banque ou bien une école de gestion. Alléluia. L'église est là pour prêcher la vie éternelle, pour prêcher le ciel et l'enfer. Que le ciel et l'enfer existent. Ce sont des endroits qui sont réels. Vous comprenez ce que? Yeah. Donc ce matin, si tu es là, si tu es venu ici à cause de l'argent, sinon je n'ai pas de l'argent pour te donner. Mais je te présente Jésus-Christ, le Sauveur, qu'après tout ce que nous cherchons dans cette vie, la Bible, cette vie est temporaire. C'est très courte, cette vie. Hein? En comparaison de la vie qu'on va passer après ce monde. Yeah, c'est éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et donc, après tout ce que nous cherchons, l'argent, l'or, la femme, les maisons, les châteaux. Certains, nous, on veut construire des châteaux. On a des projets pour aller construire des châteaux. Yeah, c'est possible. Alléluia. Beaucoup d'entre vous serez des richards. Yeah, beaucoup d'entre vous. Alléluia. Reçois, si tu crois avec moi. Vous allez conduire de grandes voitures. Yeah. Yeah. Yeah. Je vous dis chaque fois, faites des amis. Oh. Yeah. L'une des choses, hier je parlais avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je parlais avec un frère qui disait que sa maman, ok, de Gabon, sa maman a beaucoup d'amis. Hein, de grands hommes d'affaires ici. Sa maman avait des amis. Parce qu'il y avait des gens qui ont travaillé au Gabon, dans de grandes entreprises, et puis travaillaient avec sa maman. Donc, ils ont tissé de bonnes relations. Donc, un jour à l'école, il n'avait pas d'argent, on n'a pas envoyé l'argent, et puis on voulait même reporter, l'admission. On dit admission, non? Admission. C'est admission? L'admission? Yeah. On voulait reporter l'admission parce qu'il n'est pas... L'argent devait venir la semaine qui suivait. Et les autorités de corps disent, non, on ne peut pas attendre. Sinon, on reporte, tu reprends l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Et puis, sa maman, elle a appelé sa maman, oh non, il n'y a pas de problème, j'ai des amis ici, de grands hommes ici. Et là, elle a justement appelé un gars qui était l'ami de sa maman, ils travaillent ensemble dans une entreprise là-bas, au Gabon. Elle a juste appelé le gars. Et le gars, c'est son frère qui était en charge dans l'école là, dans l'université. Il a juste appelé, il a dit, oh, comment, qu'est-ce qui se passe? Le gars là, c'est mon fils. Il faut laisser passer la semaine pour qu'on pas l'argent. Là, il n'y a pas de problème, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de l'importance des relations. Si sa maman avait causé des problèmes, n'avait pas de bonne relation avec ce gars-là, c'est fini. Le gars-là va attendre une année avant de commencer l'école. Juste un appel. Tout a changé. Juste un appel. Donc, je vous dis, il ne faut pas quereller. Il ne faut pas quereller entre vous. Faites des amis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des grands hommes. Un jour, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne va pas vous reconnaître. Ou bien, yeah, on ne va pas vous reconnaître. Durant la convention, l'évêque a dit quoi? La grâce, une grande grâce. Hein? Dieu va dire une grande grâce qui te permet un jour La grâce sera de telle manière, va changer ta vie de telle manière que on va plus te reconnaître. Yeah, va plus te reconnaître. Amérique, va plus te reconnaître. Aujourd'hui, on ne te regarde pas. Mais un jour, tu vas voir Amérique. Il faut commencer à être son ami aujourd'hui, sinon un jour vous allez voir. C'est lui qui va prendre son bic là, un bic spécial. Et sa signature. Si tu n'as pas sa signature, ton contrat là c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc alors que nous sommes jeunes, c'est bon. Alléluia. Même à l'école, des amis. Alléluia. Ne querellez pas avec des gens. Parce que les relations sont très, très importantes. Alléluia. Pour la vie sur cette terre. Même pour la vie spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? On va avoir tout ce que nous cherchons dans cette terre. On va les avoir. Donc, il n'y a pas de souci. Ou bien, il n'y a pas de souci. Juste un temps, juste la patience. Juste le passage de temps. Tu vas voir que ta vie a changé. Alléluia. Amen. Mais c'est pas tout. On va laisser tout ça là, ce que nous cherchons. On va les laisser. Hein? Est-ce que vous comprenez? Et les deux endroits, la flamme et la consolation, la souffrance et la paix, où est-ce que tu seras? Tu seras dans la paix ou bien tu seras dans la souffrance? Alléluia. Yeah. Yeah. Donc je disais que beaucoup, on va à l'église aujourd'hui et puis on attend autre chose. Hein? Non, ces choses sont side attraction. Hein? Vous connaissez side attraction? En français, c'est quoi? Quoi? Les choses secondaires. La chose principale est là, mais il y a des choses qui se passent à cause de la chose principale. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, cela veut dire que pour l'Église, c'est là, le ciel et l'enfer. C'est le salut. C'est la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les choses spirituelles. La richesse, les bénédictions, ta femme, ta maison, ta voiture, tes richesses, ton or et ton argent, tout cela sont des side attractions. Ça vient avec la chose principale. Yeah. Et ça va venir dans ta vie. Tu vas les avoir. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier la chose principale pour ta vie, qui est le salut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, on a appris beaucoup de choses. Et je disais, si tu crois qu'il y a un enfer qui existe, si tu crois que le ciel existe et tu veux aller au ciel, tu vas te comporter d'une manière différente. Alléluia. Et c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Alléluia. Hein? Si tu crois, ou bien si tu veux aller au ciel, hein? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset, on a lu à partir du verset 50, ok. Je lis un peu, alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Yeah. Ton corps ne peut pas aller là-bas. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je dis un mystère. Un jour, ton âme, ton esprit va prendre un autre corps qui est incorruptible, qui peut aller au ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Donc cela veut dire qu'à la fin de ce monde, il y a certains qui seront toujours en vie. Yeah, c'est ce que le verset est en train de dire. Il y a certains qui seront toujours en vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont morts et ceux qui sont en vie seront changés, vont prendre un autre corps. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Yeah, parce que tu ne peux pas partir de ce monde avec ce corps. Ce corps appartient. Parce que Dieu a formé Adam de quoi? De la poussière. Donc le corps là, c'est pour la poussière. Alléluia. Yeah, donc, on va chercher en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles avec le corps. Alléluia. Et nous, nous nous serons changés. Ceux qui sont en vie seront changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'est ce que je dis. Donc, on va prendre un autre corps qui n'est pas corruptible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ça, non? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ok, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la foi, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu que qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, sorry. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Donc, si tu sais que un jour, on va quitter ensemble, une trompette va sonner. Alléluia. Et on va prendre un autre corps et on va sortir de ce monde. Alléluia. Et que tu veux aller au ciel, tu veux être consolé. Alléluia. Il dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, sois ferme. Sois inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Yeah. Donc, soyez ferme. Ne sois pas découragé. Alléluia. Sois ferme. Inébranlable. Ça veut dire quoi? Ne sois pas en chèque. En français, c'est quoi? Inébranlable. Il y a un mot qu'ils ont utilisé là. Insécurable. Alléluia. Insécurable. Sois ferme. Alléluia. Dans l'œuvre du Seigneur. Il dit quoi? Travaille de mieux en mieux. Fais plus. Fais plus. Si tu viens seulement dimanche à l'église, toute la semaine, c'est dimanche que tu viens à l'église. Tu dois changer. Tu fais plus. Viens à l'église le jeudi. Ou bien le mercredi à Kodesh. Alléluia. Fais plus. Si tu pries une heure de temps, prie deux heures de temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu donnes un Ghana Siri, donne deux Ghana Siri. Fais plus. Travaille de mieux en mieux, mieux en mieux. Depuis que tu es né de nouveau, c'est un Ghana Siri que tu donnes. Rien n'a changé ça. Mais la Bible dit de travailler de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Alléluia. Hein? Si tu n'as pas encore à évangéliser, la prochaine fois, frère, on va aller évangéliser ensemble. Moi aussi, je veux aller. Alléluia. Hein? Si c'est pour jeûner, moi aussi, je veux jeûner. Est-ce que vous comprenez? De mieux en mieux. Ne sois pas au même niveau que tu as commencé avec le Seigneur. C'est-à-dire on est toujours au même niveau. Hein? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. C'est le seul verset qu'on connaît, Jean 3,16. Commencez à prendre d'autres versets. Si on n'a jamais commencé à méditer la parole, commence à méditer la parole de mieux en mieux. Si tu sais qu'il y a le ciel qui existe. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Hein? Vous êtes là? Yeah. Deuxième chose, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si on veut vraiment aller au ciel. Hein? Deuxième chose. Nous allons penser au jour de rendre compte. Alléluia. Yeah. Au jour de rencontre, bien, au jour de jugement. Jour de jugement où nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Vous êtes là? 2 Corinthiens, tout le monde, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens. Prends ta Bible, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Ok, vous êtes là? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Ok? Jour de jugement, jour de rencontre. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Nous devons tous comparaître. Nous devons tous apparaître. Hein? Devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans le corps. Alléluia. Waouh. Le jour de jugement. Nous tous, nous allons nous comparaître. Ouais, c'est la pluie. C'est la pluie? Ah, ok. On va comparaître devant le tribunal. Alléluia. Yeah. Yeah. Tu vas toujours penser, le jour-là, qu'est-ce que je fais dans le corps? Hein? Qu'est-ce que je fais dans le corps? Est-ce que c'est bien? Ou bien c'est mal? Le bien et le mal. Le bien et le mal. Alléluia. Et tu vas rencontrer de ce que tu as fait dans ton corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il y a un jour, tout le monde ici, sans exception, tout le monde. Alléluia. Un jour, ceux qui sont allés sur la Lune, comment on les appelle? Les astronautes. Yeah, de la Russie. Lorsqu'ils sont arrivés sur la Lune, c'est ça, non? Yeah. Lorsqu'ils sont arrivés sur la Lune, ils ont fait une annonce. Ils ont fait une annonce en déclarant à tout le monde qu'ils sont sur la Lune. Ils sont arrivés sur la Lune et ils vont annoncer à tout le monde que Dieu n'existe pas parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu sur la Lune, donc Dieu n'existe pas. Alléluia. Certains d'entre vous pensez que Dieu n'existe pas. Yeah. Pas de problème. Ça, c'est ton opinion. Mais la vérité est toujours la vérité. Si le ciel existe, tu dis le ciel n'existe pas. Ça ne change pas la vérité. Non, l'enfer, oh non, ça sont des histoires. Les enfants là sont des histoires. Ils croient toujours aux histoires là. Yeah. Tu peux dire que l'enfer n'existe pas. Ça n'a pas de problème. Pas de problème. Un jour, tu vas mourir et tu vas voir. Forget. Yeah, c'est la vérité. Lorsqu'on parle de oh, mourir, les gens vont oh, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est vrai. Yeah, c'est vrai. Je ne veux pas vous tromper que tu ne vas pas mourir. Un jour, tu vas mourir. Et comme l'homme riche, tu vas te rappeler. Abraham a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Wow. Souviens-toi. Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. Donc, lorsque tu penses au jour du jugement, tu deviens sage. Et ça t'amène à commencer à te comporter d'une manière. Yeah. Viens sage. Viens sage. Et tu commences à penser, la première chose que tu penses, combien je fais pour le Seigneur? Combien? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Alléluia. Avec tout ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Yeah. Parce que Dieu nous a donné beaucoup. Yeah. Dans Luc chapitre 19, ok, verset 13. Luc chapitre 19, tu vas commencer à penser, oh, qu'est-ce que je fais avec ce que je suis ou bien avec ce que j'ai? Hein? Ce que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Hein? Luc chapitre 19, verset 13, la Bible dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Hein? La question, quelle est la valeur de ce que Dieu t'a donné comme chrétien? Il dit, fais valoir les mines que je vous donne. Yeah. Mais ses concitoyens les haïssent hein, et les envoyèrent une ambassade près au, après lui pour dire, nous ne voulons pas cet homme régner sur nous. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, okay, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Dieu t'a donné de l'argent. Dieu t'a donné de talent, de dons, de l'argent. Alléluia. Quelle est ta valeur? Et combien? La question quoi? Afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Ce que tu as, comment est-ce que tu as fait valoir ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Combien tu donnes à Dieu? Combien de bénéfices tu fais pour Dieu? Avec ton corps, avec tes talents. Alléluia. Avec tout ce que tu as. Combien tu fais pour Dieu? Ah. Lorsque tu penses au jour de jugement, à ce que tu vas rencontrer. Yeah. Moi, je dis qu'on t'a donné 12 talents. Tu as fait quoi avec les 12 talents? Hein? On t'a dit, oh, on t'a créé avec de belles voix. Qu'est-ce que tu as fait avec la voix? Alléluia. Dieu t'a donné de beaux yeux. Qu'est-ce que tu as fait avec les yeux là? C'est pour attirer les hommes, bien quoi? C'est pas pour attirer les hommes. Hein? Beaucoup de vous devez être dans la chorale. Beaucoup d'entre vous, beaucoup. Hein? Beaucoup, debout. Vous devez danser. Beaucoup de vous devez apprendre. Il y a des gens qui arrivent à apprendre facilement. Apprendre à jouer au piano, pianiste, batterie, tout. Mais vous êtes là, croisez les mains. Hein? Hein? Beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Yeah. Dieu va te demander le jour du jugement. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, tu vas penser au jour du jugement et ce que tu fais avec Dieu, ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Yeah. Yeah. Certains d'entre vous ne voulez rien faire. Rien. Mais vous êtes prêts pour faire beaucoup, sacrifier pour autre chose. Yeah. Faites des sacrifices. Sacrifices. Yeah. Vous avez des notes qui ne vous appartiennent pas. Notes à l'école. Yeah. Qui ne vous appartiennent pas parce que vous avez acheté ça avec quelque chose. Vous avez acheté ça avec quelque chose. C'est vrai ou bien c'est faux? Ça se passe dans vos écoles là, on connaît. On connaît. Et même les chrétiens. Yeah. Les chrétiens. Ici, je parle aux chrétiens aussi. C'est tout pour les chrétiens. Alléluia. Yeah. Et puis, deuxième chose qui viendra au jour de jugement, quel type d'œuvre que je fais pour le Seigneur? Quel type d'œuvre? Hein? Quel type d'œuvre? 1 Corinthiens, chapitre 3, ok? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Ok? Vous êtes là? 1 Corinthiens, je vous attends. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Quel type de travail, quel type d'œuvre hein, que je fais pour le Seigneur? Que je fais. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens. OK? L'œuvre de chacun sera manifestée. Wow! Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Est-ce que vous avez vu? Yeah, l'œuvre va passer par le feu. Et on va voir quel type, quel feu, quelle œuvre que chacun fait pour le Seigneur. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Yeah. Donc si ça passe par le feu et ce n'est pas brûlé, tu vas recevoir une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Waouh! Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh! Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Waouh! Est-ce que vous avez vu la parole de Dieu? Est-ce que l'œuvre que tu fais pour le Seigneur t'a brûlé? Lorsque ça passe par le feu. Est-ce que Dieu dit ça va passer par le feu? Amen. En Apocalypse 14, 13. Quel type d'œuvre? Apocalypse 14, verset 13. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Cette parole, c'est très, très, très important. Yeah. Yeah. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Éternel, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Waouh! Heureux ceux qui sont morts en Christ, afin qu'ils se reposent. C'est pourquoi lorsque les gens meurent, on écrit sur le truc là. Repose en paix. Le repos est fini. Les travaux, les œuvres sont finis. Lorsque tu meurs, c'est fini. Tu ne peux plus travailler pour Dieu. Donc tu dis, repose-toi maintenant. Mais après, qu'est-ce qu'ils disent? Car leurs œuvres les suivent. Yeah. Waouh! Dieu a en tête d'enregistrer toutes les œuvres que nous sommes en train de faire. Yeah. Yeah. Yeah. Donc, quel type d'œuvre? Est-ce que ce sera brûlé par le feu? Et c'est que lorsque tu vas, la Bible dit que tu vas aller seul, tu seras seulement sauvé et tu vas le mettre vite. Yeah. Si c'est brûlé, mais si ce n'est pas brûlé, les œuvres vont te suivre. Lorsque tu vas au ciel. Waouh! Quel type d'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Ce que tu fais pour le Seigneur, est-ce que ça peut passer par le feu et ne sera pas brûlé? Waouh! Ça, c'est la vérité. Oh. Les choses-là, on n'entend pas ça dans les églises. Et ces jours-ci. Ou bien, yeah, on n'entend pas. Lorsque tu meurs, les œufs vont te suivre. Les œufs vont te suivre. Ce que tu fais va te suivre. Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Donc, quel type d'œuvre? Tu viens juste à l'église, tu vas à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu pries, tu évangélises. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quel type d'œuvre tu fais pour le Seigneur? Waouh! C'est la question. La question. C'est dans nous, on critique. On vient ici, mais on critique. Toujours ce que les autres font. Yeah, critique ce que les autres font. Qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu critiques la chorale. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu ne chantes pas, tu ne fais rien. Yeah. Tu critiques la dîme et les offrandes. Aujourd'hui, tu vas donner. Yeah. Tu vas donner. Yeah. Aujourd'hui, c'est le jour de quoi? Le jour des missionnaires. Yeah. Aujourd'hui, c'est le jour des missionnaires. Et on doit donner. Stéphane, tu dois trouver les enveloppes. Yeah. On donne l'argent pour supporter les missionnaires. Yeah. Mais toi, tu es là pour critiquer. Pour critiquer. Mais l'argent qu'on... Tu as donné depuis là, donc on met ensemble là, c'est combien? C'est combien? Mais les gens sont en train de donner, mais tu critiques, tu décourages même les autres de donner. Yeah. Lorsqu'on ne donne pas, comment est-ce qu'on veut que l'œuvre de Dieu continue? Yeah. À partir de la semaine prochaine, on va prêcher sur la dîme. Yeah. Si tu ne veux pas, ne viens pas. On va prêcher. Yeah. Mais viens à l'église. Viens à l'église. Ne reste pas à la maison. Yeah. Ne reste pas à la maison, viens. Alléluia. Yeah. Un jour, tu vas voir ce que tu as donné. Comment est-ce que ça a aidé l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que ça a aidé les missionnaires pour sauver les âmes? Là où toi, tu ne veux pas aller. Au Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie. Tu as une fois été au Gambie? Ou bien en Gambie? Musulmans, pays musulmans. Alléluia. Yeah. Guinée, Liberia, Libéria. Les missionnaires qui sont envoyés d'ici, Libéria. Lorsque Ebola est arrivé, l'évêque a dit, mon frère, viens ici avec ta femme. Quitte Libéria pour venir au Ghana, sinon tu vas mourir. Yeah. Les jeunes Ghanéens, et je dis vous, vous êtes des missionnaires pour les pays francophones. C'est vous qui devez être des missionnaires. Yeah. Vous me regardez. C'est vous. C'est vous. Ici, on vous forme. On vous forme pour aller être missionnaire. Yeah. Gildas, tu es missionnaire. Yeah. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu prend son temps pour te former. Parce que je sais, oh, pasteur, moi qui je suis, qu'est-ce que je peux dire? Non, Dieu prend son temps pour te former. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui vont répondre à l'appel, vous allez voir ce que vous allez faire pour Dieu. Un jour, lorsque le feu, tes œufs passent par le feu, tu vois que ça devient plus brillant. Comme l'or, parce que c'est de bons œufs. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. On parle des œuvres qui contribue au salut des âmes. Tout ce que tu fais pour qui contribue au salut des âmes, c'est des bonnes œuvres qui vont te suivre. Alléluia. Yeah, ce n'est pas la comptabilité. Ce n'est pas la comptabilité. Ce n'est pas l'ordinateur. Ce n'est pas le laptop. Yeah, ce n'est pas le laptop. Ce n'est pas gaz. Non, ce n'est pas oil gas. Pas oil gas. Vous êtes ici, oh, regarde, export, shipping, export, des choses comme ça là. C'est pas ça. Yeah. Shipping, export, oil, gas, gestion, formation en informatique. Quoi aussi? Formation en quoi? Comptabilité, quoi aussi? Marketing, ressources humaines, quoi encore? Quoi? Logistique, supply chain, sécurité. Quelqu'un me parlait d'incendie, sécurité, des choses comme ça hier. Qu'on est en train de nous former pour health, safety, des choses comme ça. Lorsque ça passe par le feu, c'est brûlé. Brûlé, c'est de cendre. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas te suivre. Ça ne peut pas te suivre. Ah, ça ne peut pas te suivre. Ah, ça ne peut pas te suivre. Même si tu laisses ça à ceux qui restent, ne peut pas utiliser. Alléluia. Mais tout ce que tu fais pour qu'il contribue au salut, qu'il contribue à l'avancement du royaume, bien de l'œuvre de Dieu, c'est ça les œuvres-là. Ça va passer par le feu et ça devient plus brillante, comme l'or. Et ça va te suivre jusqu'au ciel. Yeah. Ce sont les œuvres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes là? Yeah. Lorsque tu penses au jour du jugement, j'ai péché beaucoup. Je dois m'arrêter. Sinon, les rappeurs ne peuvent pas rapper. Troisième chose, lorsque tu penses au jour du jugement, tu vas penser à des choses secrètes. Secrètes ou bien secrètes. Secrètes que tu fais lorsque tu es seul. Là, les choses secrètes. Dans le secret. Lorsque personne n'est avec toi, qu'est-ce qui se passe? C'est bon ou bien c'est mauvais? Yeah. Yeah. Lorsque tu penses au jour du jugement, tu vas faire attention lorsque ce que tu fais dans le secret. Il y a parfois les choses qu'on fait dans le secret, c'est bon. Ça peut être bon ou bien mauvais. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ça peut être bon. Parce que beaucoup de temps, Jésus a guéri des hommes. Il a dit, oh, ne dis à personne. Ou bien, Jésus, garde ça à soi, mais ne dis à personne. Mais lorsqu'il, de plus, il dit ça, de plus, les gens. Donc, tu veux faire de bonnes choses. Parce que peut-être que tu as aidé quelqu'un. Tu veux que les autres savent que tu as aidé quelqu'un. Ça a de bonnes choses dans le secret. Mais il y a de mauvaises choses dans le secret. Ou bien, il y a beaucoup de mauvaises choses dans le secret. Un jour, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens, je finis avec ça. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Il dit que le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Alléluia. Dans le jour-là, tout sera révélé. Rien n'est caché. La Bible dit qu'il n'y a rien qu'on fait qui est caché des yeux du Seigneur. Dieu voit. Alléluia. David a dit, où est-ce que je peux me cacher? Je ne peux me cacher pas de Dieu. Je ne peux pas me cacher de Dieu. Parce que si je vais ici, le Seigneur me voit. Si je me cache quelque part sous le lit, le Seigneur me voit. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Et un jour, on va rendre compte de tout ce qu'on fait dans le secret. Le bien ou bien le mal. Alléluia. Donc, si tu es conscient d'un jour de jugement, tu feras attention à ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Amen. Et si tu es conscient du jour du jugement, tu vas te poser la question, quels sont mes motifs? Motifs. On dit motifs. Motifs. Quelle est motivation? C'est motivation. Ce qui me motive, il y a ma même motivation pour ce que je fais pour le Seigneur. Hein? Motivation. C'est ça, non? Yeah? Motive. Le but de ce que je fais, le but. Hein? Alléluia. L'objectif. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je sers le Seigneur? Yeah. Beaucoup de vous servez le Seigneur pour de mauvais buts. Ou bien, yeah, parce que je suis là, oh, parce que je viens pour que le pasteur me donne de l'argent. Le gars là m'a promis, donc, je suis là. Bien, je suis la fille là. Elle est belle. Donc, c'est à cause d'elle que je suis là. Yeah. Je sens dans la chorale parce que je veux montrer ma voix. Ou bien je suis belle. Aujourd'hui, je me suis habillée belle. Donc, je vais venir ici pour chanter. Hein? Le jour, ça va se révéler. Même verset. Ça va se révéler. On va voir le motif. Mais la motivation. Alléluia. Il y a une femme qui venait à l'église à cause de son mari. Parce que elle a réalisé qu'il y avait une fille, une dame à l'église qui est en train de faire comme ça à son mari. Donc la femme du gars venait à l'église et puis elle était motivée. Bon, elle était là, la prière était là. Évangélisation, le dimanche, le cul de semaine, jeûne, toutes choses, elle était là, elle était motivée. Alléluia. C'est pas parce qu'elle aime le Seigneur. Yeah. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Bien, tu es venu pour d'autres raisons. Yeah. Yeah. Yeah. Ton but d'être ici, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Tu veux servir le Seigneur. Donc, un jour, on a transféré, on a affecté le gars là. Donc, lorsqu'on a affecté le gars dans une autre branche de l'église, sa femme, la motivation est partie. Yeah. Tu vois, la raison pour laquelle elle vient à l'église, elle venait à l'église, c'est pas parce qu'elle aimait le Seigneur, mais parce que elle est en train de surveiller son mari. Surveiller son mari, donc elle vient pour voir est-ce qu'il y aura des avances. Alléluia. Est-ce que tu viens à l'église pour guetter ou bien pour surveiller les gens? Tu viens à l'église pour suivre quelqu'un? Bien, tu viens à l'église pour avoir de l'argent? Non. Tu dois venir à l'église pour aimer le Seigneur. Yeah. On voit parfois les femmes qui sont motivées. On voit ça chaque fois. Les filles qui viennent à l'église ne sont pas mariées. Sont vraiment motivées. Parce qu'il y a un gars qui a fait une proposition. Donc, on doit montrer notre engagement à l'église pour que la proposition ne change pas. On est motivé. On est toujours là. On est plus spirituel. Mais lorsqu'il y a un petit problème, et puis on dit que la proposition... Même, c'est pas ça. C'est pas ça même. Lorsqu'on arrive et puis le gars te marie, il y a le mariage. Parce que c'est ce que tu cherchais. Après le mariage, motivation, engagement. Parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Yeah. Donc, quelle est ta motivation? Ta motivation doit être ton amour pour le Seigneur. Alléluia. Parce que le jour du jugement, on va voir ça. Hein? Ça va être brûlé. Alléluia. Amen. Et puis, dernière chose. J'ai pris le temps. Dernière chose est que lorsque tu pars au jour du jugement, tu vas vivre dans la pureté et dans la sainteté. Waouh! Pureté et sainteté. Pureté du corps vient du cœur, qui est dans le cœur. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh! Pureté. Aujourd'hui, on n'a pas de pureté dans l'église. Yeah, pas de pureté. Pureté. Yeah, c'était dans vous ce matin ce que vous avez touché avant de venir ici. C'est pas pur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Hein? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Il n'y a pas la pureté, il n'y a pas la sainteté. On ne peut pas rester avec une fille ou bien un garçon sans avoir de mauvaises pensées. On ne peut pas. Hein? À la maison, sur la télé, tu es en train de regarder quelque chose. Et on a la fille en train, elle est presque nue. Tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas regarder ça. Plutôt, tu veux regarder. Là, on ne voit pas, mais ta télé, tu veux aller voir. Le côté qui est caché là, tu veux. Ce sont des chrétiens qui font ça. Hein? Ce qu'on n'a pas montré, tu veux regarder dans la télé. Ce que tu as dans la poche, ton téléphone, toutes les images de ton téléphone, c'est l'impureté. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Hein? Les images qu'on met dans la chambre, les vidéos qu'on a, est-ce que ça révèle ton statut de chrétienté? Yeah. Pornographie dans la poche. Pornographie dans la poche. Tu as acheté le téléphone à cause de la pornographie. Il faut aller vendre ce téléphone-là. Yeah. Tu as acheté la tablette à cause de la pornographie. aller vendre la tablette. Si c'est, c'est le but de la raison pour laquelle tu as acheté, il faut aller vendre ça. Tu as acheté l'ordinateur. Tu as dit, papa, envoie-moi, j'ai besoin d'un ordinateur pour apprendre, pour faire des recherches à l'école. Alors que tu ne fais pas de recherche à l'école. Tu es en train de rechercher les pornos. Les pornos, pornos, pornos. C'est ça que tu recherches sur, la, sur le, l'ordinateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es assis avec une fille. Tu es assis avec une fille. Elle a montré sa cuisse. Au lieu de dire, ma soeur, il faut... Tu es en train de... Pour regarder. Chrétien, oh, chrétien. Chrétien. Au lieu de dire, à soeur, s'il te plaît, couvre-toi un peu. Couvre ici un peu. Tu fais comme ça. C'est... Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Fermez les yeux et demandez pardon ce matin. Donc, demande pardon. Toi-même, tu sais. Tu sais, le but, la raison, les ta motivation que tu fais pour le Seigneur, ta motivation, demande pardon ce matin. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Vive dans la sainteté. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Donne-nous une nouvelle chance. Une chance. Une nouvelle opportunité pour se repentir, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Ce matin, je veux prier pour toi. Les yeux fermés, s'il vous plaît, les yeux fermés. Baissez la tête, s'il vous plaît, si c'est possible. Baissez la tête. Si tu es là et tu n'as pas, tu ne te rappelles même pas que tu as pris une décision de donner ta vie à Dieu. Tu n'as pas pris une décision de dire, Seigneur, aujourd'hui, je crois que tu as envoyé Jésus pour me sauver. Mais ce matin, tu as écouté la parole. Tu as réalisé que non, tu es loin. Tu n'as pas vraiment. Peut-être que tu as déjà fait, mais tu as rétrogradé. Tu es allé plus loin. Tu es loin du Seigneur. Tu n'as plus cette relation avec Dieu. Mais ce matin, tu as écouté la parole et tu veux revenir. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux confier ta vie dans la main du Seigneur. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Sinon, tu ne verras pas le ciel. Merci mon frère. Merci. Toi aussi tu veux lever la main. Merci. Je vois la main. Tu veux lever la main. Lève la main. Merci mon frère. Merci. Je vois. Je vois les mains. Toi aussi lève la main. Ma soeur, mon frère, lève la main. Donne ta vie à Dieu. Décide aujourd'hui. N'est pas. Si tu as honte ce matin, le Seigneur aura honte avec toi un jour. Il va dire que je ne te connais pas. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant ma prière? Viens, mon frère, viens. Viens. Tu as levé la main, viens. Viens. Viens. Viens. Viens. On acclame, on pousse un cri de joie. Parce que c'est la célébration. C'est une célébration. Alléluia. Nous voulons prier. Je vais le répéter après m'avoir fermé les yeux. Tout le monde dit, Seigneur, je te remercie pour Jésus, pour le salut, pour le sacrifice. Seigneur, merci. Ce matin, je crois que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Je crois que tu m'aimes tellement que tu as donné ton Fils unique. Ce matin, je crois en lui qu'il est mon sauveur. Et je lui donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux le servir. Qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, lave-moi ce matin avec le sang, par le sang. Seigneur, merci. écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir. Seigneur, donne-moi la grâce de te servir. Seigneur, merci. Amen.